Remerciements. Les projets consacrés à Star Wars, quels qu'ils soient, représentent toujours un effort collectif. Des films, en passant par les jouets jusqu'à ce roman, ils nécessitent une véritable galaxie. C'est particulièrement vrai dans le cas de La Lumière des Jedi, qui résulte d'années entières de travail de la part d'un groupe que le monde a découvert à l'origine comme un collectif de 5 écrivains travaillant sur le mystérieux projet Luminous. Je ne connaissais aucun d'entre eux personnellement lorsque le chantier de la Haute République a commencé, mais je connaissais leur travail. Aujourd'hui, il se passe rarement une journée sans que je bavarde avec l'un ou l'autre membre de ce groupe de talents incroyables. Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Holder et Cavan Scott. De collègues, ils sont devenus mes amis, et ce livre n'existerait pas sans leurs encouragements constants, leurs relectures et leurs merveilleuses idées. Ensuite vient naturellement le chef d'orchestre qui a élaboré le projet Luminous, a protégé son petit groupe d'écrivains d'innombrables tempêtes et nous a poussés à avancer depuis que les premiers emails consacrés à ce qu'allait devenir Luminous se sont mis à circuler. Michael Siglaine, directeur créatif de Lucasfilm Publishing. C'est lui le meilleur. Et je vous garantis que parmi tous ceux qui ont pu le rencontrer, personne ne dira le contraire. C'est lui qui m'a embarqué à bord, comme nous tous, et je lui suis infiniment reconnaissant. Les membres du story group de Lucasfilm nous ont consacré énormément de temps et d'efforts tandis que nous échafaudions la Haute République. Et je voudrais mentionner en particulier Pablo Hidalgo, dont les notes enrichissaient toujours notre travail et s'accompagnaient souvent de diagrammes instructifs concernant la nature mystérieuse de l'hyperespace. James Wu, pour son soutien permanent et sans faille, Matt Martin et Robert Simpson, Brett Rector, Jen Edel, Troy Alders, et la liste continue. Comme je l'évoquais au tout début, Star Wars est une galaxie et tout le monde y contribue. C'est un spectacle extraordinaire. Elisabeth Schaeffer, chez Del Rey, pour sa clairvoyance éditoriale et quelques tweets vraiment chaleureux après la lecture d'un premier jet du roman. Mon agent, Seth Fishman, pour qui il n'est jamais impossible de conclure un marché. Jordan D. White, chez Marvel Comics, qui m'a donné ma première chance de m'atteler à l'écriture sur Star Wars et dont découle tout le reste. Sean DePasquale, qui compte toujours parmi mes premiers lecteurs. Tommy Stella, mon fidèle premier assistant. George Lucas et les innombrables génies avec lesquels il a travaillé pour donner vie à Star Wars. Toute une galaxie, je vous dis. Aucun d'entre nous ne ferait ce travail sans leurs efforts. Et bien sûr, ma famille. Rosemary et Amy, Anna, Sam et Chris, Jay et Anne, Mary et Jim. Et finalement, merci à vous. J'espère que vous avez aimé ce récit. Nous sommes tous la République. Charles Saul, été 2020.